cet ordre-là n'est pas tout à fait respecté par tout le monde, qui n'est pas absolument aimé. Il faut créer quelque chose comme une force de l'ordre, et je pèse mes mots même si c'est un peu provocateur, pour maintenir cet ordre. Bon. Alors, on pourrait aussi poser la question du territoire, puisqu'on parle d'ordre intérieur. Il y a quelque chose comme un territoire ici, et je parlais tout à l'heure de Lordon et de Ruffin. Les deux parlent de ZAD, pour parler, donc de zone à défendre, pour parler de la place. Pour parler de la place et du mouvement. C'est donc que d'une certaine manière, effectivement, ce domaine-là a été investi. Premier domaine, validé, clac, clac, effectivement. Il s'est, alors moi je trouve qu'il s'est même... Il a même été construit de façon très très étonnante. Vous voyez le nombre de commissions qui existent ici. Moi, le mot commission me frappe. Est-ce que l'Union européenne nous a pas rendu allergiques aux commissions, à la Commission européenne notamment? Eh ben non. On crée des commissions. Les commissions créent des règlements, des administrations du lieu. Et c'est donc un des premiers pans du pouvoir que Nuit Debout a investi. Bon. Deuxième champ, l'ordre extérieur. Alors, Nuit Debout a investi la question de l'ordre extérieur de deux manières. D'abord, sur la maîtrise de son image, la question de la non-récupération. Ça, c'est évidemment une façon de maîtriser les relations avec l'extérieur. Mais évidemment, il y en a un autre, il y en a même deux autres, pardon. Le premier, c'est les relations avec les autres, Nuit Debout. Il y a celle-là, puis il y en a d'autres en France. Là, j'en ai vu une ce matin à Marne-la-Vallée. C'est super, avec un panneau disant qu'il fallait que tout bouge. Bougeons. C'est marrant, c'est comme un slogan SNCF ou libéral. Bougeons. Très bien, soyons flexibles. Je suis ironique, mais en même temps, pas vraiment. Je décris le vocabulaire, les valeurs, les représentations qui sont utilisées, et on ira plus loin tout à l'heure, comme ça. Bon. Et enfin, il y a évidemment l'impact qu'on peut avoir sur la société française en général. Comment est-ce qu'on déploie une convergence des luttes? Bon, comment est-ce qu'on sort du cadre pour aller vers la société en général? Donc, deuxième item validé, ordre intérieur, ordre extérieur. De ces deux points de vue-là, on peut parler de quelque chose comme la création d'un pouvoir. Alors, le troisième domaine, on va prendre l'ambiguïté. C'est le plus simple, on peut y répondre très très simplement. La question de la justification des inégalités. Ballandier nous dit que dans tout système social, il y a des inégalités, et que par conséquent, même entre jeunes et vieux dans les plus simples, et que par conséquent, une partie de l'activité du pouvoir, ça va être justifier les inégalités. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Nuit Debout de ce point de vue-là? Il y a un certain refus des inégalités produits par le monde El Khomri, je reprends la formule qui a fait Flores ces derniers temps, et à partir de là, il y a un nouveau discours sur ce qui devrait être, en tout cas, une espèce d'abrogation des inégalités. On réfute la légitimité des inégalités, on produit un discours là-dessus, et on demande une mise à égalité des participants, par exemple dans le temps de parole. Comme on propose un mouvement sans leader, c'est exactement la même chose. Donc il y a un discours qui est produit sur l'inégalité, et en tout cas, s'il n'y a pas de promotion d'inégalité, il y a au moins un discours qui met en cause la justification des inégalités produites dans le système néolibéral, c'est-à-dire en gros l'idée que les inégalités produisent plus de richesses. Bon. Enfin, le quatrième point. Le quatrième point, c'est la sacralité. La sacralité. Bon. Alors, là, il s'agit du monde. Il s'agit du monde El Khomri, il s'agit du monde Nuit Debout. Quel cadre extérieur on prend pour faire référence, pour englober nos représentations, nos pratiques? Alors, ce monde symbolique de Nuit Debout, il est ancien, en réalité. Il puise des sources avec Podemos, avec les indignés, avec Occupy Wall Street, mais aussi avec tout le mouvement des forums sociaux européens, du forum social mondial. Quand on vient le soir ici, on croise plein de militants qu'on a vus dans tous les forums sociaux mondiaux. Donc il y a tout un univers symbolique qui est proposé, qui est là. Ben, non, mais je vous en prie, mais juste venez, viendez. Mais viendez, comme on dit. Ça, c'est du grelon d'ennemi. Viendez. Parfait. Bon, alors, voilà, on en est là, en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose comme un pouvoir, ou en tout cas, Nuit Debout se positionne et prend position sur les domaines traditionnels d'un pouvoir particulier, sur un lieu, avec des buts particuliers, mais d'un pouvoir quand même. Ma question, c'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quelles valeurs on partage? Qu'est-ce qu'on essaye de transformer? Alors, est-ce que on lutte pour des valeurs, par exemple, comme... Alors on va prendre des trucs grand public, hein, la solidarité, la fraternité, les luttes sociales pour une justice sociale, probablement des choses comme ça, mais dans un premier temps incarné dans un registre très simple, qui est le droit du travail. C'est pas à travers une espèce de droit de l'hommisme vague, c'est à travers le droit du travail, puisque la cause première de la mobilisation de Nuit Debout, c'est évidemment la lutte contre la loi El Khomri. Bon. Et c'était le but de mon intervention, en fait, c'était vous parler, le titre a été changé, au début c'était le non-travail et le droit des gens. Je voudrais vous parler de ça. Est-ce que, aujourd'hui, l'apport de Nuit Debout au militantisme, ou à la recherche de plus de justice ou plus de fraternité, c'est un travail sur le droit du travail, justement? C'est ça ma question. En dehors du fait qu'on va mobiliser, qu'on va essayer de viser une grève générale, qu'on va militer avec les groupes déjà établis, qu'est-ce qu'il y a de plus dans Nuit Debout? Qu'est-ce qui est plus intéressant que ça? Et là, de mon point de vue, il y a à la fois un risque et une opportunité. Est-ce que, par exemple, on a envie de n'avoir des droits qu'en tant qu'on est salarié? Pour moi, la vraie question que pose Nuit Debout, c'est à quel droit j'ai droit avant de travailler? C'est ça le non-travail, c'est pas le fait que je travaille pas. C'est le fait que j'ai droit à des droits et à une dignité avant de travailler. Et pas au nom de droits de l'homme, au nom d'un autre droit qu'il faudrait inventer, celui de la civilité par exemple, et qui se négocie à l'échelle de la fréquentation. Faut pas oublier que le travail, ça c'est ce que disait Lordon, c'est toujours un rapport inégalitaire, un rapport de chantage. Vous savez d'où ça vient, salariat, hein? Ça vient de sel. Ça vient de cet impôt sur les choses absolument vitales, sur les conditions même de votre existence. Et quand Lordon dit ça, on dit le travail c'est une façon de conditionner les moyens même de votre existence, en fait il fait de l'étymologie. C'est ce que ça veut dire un salaire. Un salaire c'est l'impôt le sel, c'est l'impôt qu'on place sur les conditions élémentaires de votre survie. Bon, est-ce que c'est sur cette dignité-là qu'on a envie d'intervenir? Je ne sais pas, je pose la question. Et je pose la question parce que il y a dans les pratiques de Nuit Debout et autour de Nuit Debout quelque chose comme une indifférenciation des différents statuts. On n'a pas ici l'habitude de se positionner comme faisaient les situationnistes dans les années 70 en disant d'où je parle, moi je suis un bourgeois. Moi je suis un bourgeois culturel, mes parents faisaient ça. Moi je suis un prolétaire, je suis ouvrier à tel endroit. Moi je suis un salarié, je travaille dans les services. On ne se positionne pas comme ça. On dit moi je suis un ami, je suis un copain. On m'a dit de venir. Ouais, j'appartiens à un parti, mais je suis pas là pour représenter le parti et je porte pas la parole du parti. J'appartiens à un syndicat, mais je porte pas la parole, etc., etc., etc. Bref, on produit une espèce d'indifférenciation des statuts. Ça, c'est un risque très fort, notamment parce qu'on ne se présente pas dans le cadre de rapports de force avec des gens qui, eux, par contre, sont dans des rapports de force contre le prolétariat. Et en quelque sorte, on arrive désarmé. On est de la vraie pure société civile, c'est-à-dire des travailleurs en tant qu'ils sont désarmés. Et s'il s'agit de se transformer en militant du droit du travail, comme fait la CGT, comme fait je ne vais pas dire la CFDT parce que je ne vais pas parler d'eux, comme fait le NPA, Lutte Ouvrière, qui vous voulez, sur le terrain, mais tout simplement, on va réinventer ce qu'ils font déjà. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Et c'est bien de le faire, mais ce sera tout simplement reprendre une tradition. Bon, et c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas apporter quelque chose de mieux? L'hypothèse que je vais faire avec vous, je vais fermer ma gueule parce que je crois que mon temps est imparti, enfin en gros, ça va? Donc je vais terminer avec ça. C'est cette idée de droit des gens, c'est-à-dire à quoi j'ai droit avant. Toute mon idée, avant de travailler, avant qu'on considère mon statut au travail. Quels droits ne doivent être négociables qu'à l'échelle de la fréquentation, qu'à l'échelle du marché, qu'à l'échelle de l'agora, qu'à l'échelle de la place, qu'à l'échelle du conseil de quartier? Voilà la question que je pose. Je la pose très simplement, et il y a des tas de tentatives qui s'en emparent et qui travaillent ça. Mais je la pose dans ces termes, dans les termes de droit des gens, tout bêtement pour que la culture politique qui est en train de se travailler, de naître ici, et de grandir, se fasse plus consciemment. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Déjà, je vous invite tous à vous rapprocher, à venir vous asseoir, vous mettre un peu à l'aise malgré la pluie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et le débat est ouvert pour les prochaines 40 minutes. Si quelqu'un a une bouteille d'eau, je crève de soif aussi. Bon, pourquoi pas une gorgée, ça sera cool. Personne ne souhaite réagir? Est-ce que vous avez des propositions de réponse à la question que vous posez? Ça serait de la balle. À vrai dire... Le point de départ pour moi, c'est vraiment une espèce de méfiance. C'est pas vis-à-vis de la Nuit Debout, je ne sais pas si c'est la question, mais par rapport au fait que, pour moi, il y a, je vais le dire un peu méchamment, une forme de mimétisme. Il y a une forme de mimétisme entre Nuit Debout et la société qu'elle critique. Il y a un mimétisme dans l'indifférenciation, il y a un mimétisme dans les termes. Il faut qu'on bouge, il faut débloquer. Mais vous connaissez pas ce discours ? Débloqué, la société française est ankylosée à cause des luttes entre droite et gauche. Il faut la débloquer. Je ne sors même pas les termes de leur contexte. Je trahis complètement l'intention de leur auteur, mais parce que les mots ont un sens et ils veulent dire quelque chose. Dire la société française est ankylosée, il faut la débloquer, tout faire sauter, c'est une violence sociale extraordinaire en vrai. Et donc, autre mimétisme, la bureaucratie. Je suis effaré par le travail bureaucratique et à quel point ce travail bureaucratique précède les valeurs. En fait, c'est normal. Pourquoi ? Parce que quand des règles ne sont pas suffisamment immédiatement aimées à cause d'un ensemble de valeurs, alors elles ne sont pas respectées, alors il faut plus de règles. Et si elles ne sont pas suffisamment aimées, ben il y a des troubles à l'ordre. Et alors il faut une force de l'ordre. Et on se retrouve exactement dans les... Bref, c'est pour ça que j'ai essayé d'amicalement le présenter comme la constitution d'un pouvoir. Parce qu'un pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Pouvoir faire quelque chose, effectivement, ben, la première base, il y avait une commission en fait pour ça, c'est une commission manifeste. Et par exemple, effectivement, ce serait de travailler sur ce genre d'idée. Qu'est-ce que c'est qu'un droit des gens ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici ? Quelle est la part du droit qu'on ne négocie, qu'on ne doit négocier, qu'on doit conserver entre nous à l'échelle de la négociation, là où on se fréquente, là où on se connaît, là où on fait société, là où on fait culture. Voilà. Et c'est des questions qu'on n'a pas du tout tranchées. Si par exemple je vous dis le droit au logement, si je vous dis le droit à manger, parce que j'ai pas besoin de travailler pour pouvoir manger et travailler. Si je suis pas dans un cadre de gestion de la masse des travailleurs, comme font aujourd'hui les socialistes en proposant un RSA de merde, bref. Si je me positionne vraiment du point de vue de la dignité, hein, mais la question n'est pas tranchée, est-ce que vous êtes prête par exemple à dire, ben voilà, toute personne venant dans mon quartier a le droit à un revenu et puis à manger et à avoir un toit, je vais partager mon toit avec lui, ou on va trouver les moyens de partager. C'est une vraie question, elle est difficile. Quels sont les droits, quelles sont les dignités qu'on négocie à l'échelle locale? Donc voilà, moi ma réponse, c'est tout simplement, parce que moi je suis plutôt dans la théorie et la pratique de la théorie, bien que dans mon boulot je fais du terrain partout en France tout le temps, c'est comment on fait effectivement pour que toutes ces places, tous ces lieux de fréquentation qui savent déjà un peu faire, travaillent leur culture politique de manière plus consciente, par exemple avec ce travail de concept, d'idée, voilà, que vous êtes en train de faire avec de l'éducation populaire, c'est super. À vrai dire, je m'attendais à recevoir plus de pavés. Pascal, ancien cheminot, ouais. Car comme il a dit, on peut peut-être vraiment après s'assumer un peu plus de ancien cheminot, j'ai 55 ans bientôt. Moi, je pense qu'on n'est pas tous au même niveau ici. C'est évident qu'il y a des gens qui sont déjà par leur âge, par leur histoire politique, syndicale, etc. Leur réalité, d'ailleurs, tu l'as dit, il y a des gens qui sont sans logement, d'autres... Ah oui, pardon. Il y a des gens qui sont chômeurs, retraités, sans logement, des salariés qui voudraient être avec nous, mais qui sont souvent sous lien de subordination avec des difficultés qui font qu'ils peuvent difficilement se libérer. Mais moi, ce que je retiens par exemple des printemps arabes, moi je crois réellement au nombre. Je ne crois pas forcément à ce que ici on arriverait à faire quelque chose de groupusculaire qui reproduirait, comme tu disais, par mimétisme des pratiques déjà connues, par le monde salarial, par les organisations existantes. Moi, réellement, ce qui m'a plu dans le debout, c'est la réappropriation par des gens de toute nature et avec l'envie de se respecter pour échanger et devenir visible, pour montrer que ceux qui en haut ont l'impression d'avoir organisé la société d'une certaine manière avec des gens qui ne seraient plus que dans, je dirais, le consentement et la résignation, en vérité, non, il existe encore une partie des gens qui ont encore ce ressort qui fait qu'à un moment donné, quand ils ont envie de dire « rien n'a marre », je suis pas d'accord, ou même ne pas avoir à choisir entre oui ou non, mais simplement pouvoir encore dire c'est possible, pourquoi pas. C'est créer des lieux où ça puisse être visible. Par contre, moi je crois qu'il y a une visibilité massive qui sera la seule qui pourra à un moment donné contrecarrer leur certitude. Donc en fait, il faut évidemment que la place de la République un jour déborde. Alors évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, des organisations, par exemple le 1er mai, vont tout faire pour que de Bastille jusqu'à Nation, eh ben, la rue soit de nouveau prise d'assaut par les gens qui ont des revendications. Et on voit même que l'international, c'est pas gérer un concept nuit debout. Vous avez des 1er mai, on voit régulièrement le PKK qui sort dans la rue, tout un tas d'organisations minoritaires dans leur pays qui, parce qu'ils sont réfugiés en France, peuvent s'exprimer. Donc moi, j'ai pas de préalable au fait que je reste ou que je parte d'ici. Je suis là, je dirais, parce que en conscience, c'est le seul endroit que je trouve aujourd'hui qui le rend visible, pour l'instant impuissant parce que je pense qu'on n'est pas assez, mais qui pour moi, par exemple, m'éloigne de l'ordre établi, m'éloigne de la télévision, m'éloigne du lien de subordination. Mais évidemment, j'ai les mêmes interrogations que toi. C'est-à-dire le mimétisme ne m'intéresse pas, parce que moi, ce que je retiens, par exemple, les printemps arabes, moi je maintiens que la répression n'a pas eu lieu vraiment. Les États bourgeois, ils ont tout ce qu'il faut, normalement. Ils ont l'armée. On a vu beaucoup de mouvements populaires qui se sont finis par des dictatures. On pourrait d'ailleurs se dire que si ça devenait trop facile, ils choisiraient peut-être l'armée en France, on ne sait pas. On ne sait pas ce que la bourgeoisie choisirait. Pour autant, ce qui nous renforce, c'est d'être pauvres, je pense. Et là, je dis, sur là-dessus, il faut qu'on travaille encore. Donc, il ne faut pas quitter le lieu, il faut que ça reste un point de fixation. Par contre, il faut vraiment travailler à ce qu'on soit plus nombreux. Par contre, en se respectant. Voilà, merci. Permettez une réponse ? Alors, je vais faire comme s'il y avait des questions pour rebondir. Mais mais c'est super intéressant ce que tu as dit. Alors, par boîte. La première boîte, c'est sur la masse. Effectivement, dans un cadre d'éducation populaire, il est extrêmement important de démonter des idées idiotes, comme par exemple que la révolution en Tunisie, c'était une révolution Facebook. C'est une révolution qui a été montée par un syndicat qui s'appelle l'UGTT, qui a un poids historique. Et partout où ça a pris, c'est parce que les syndicats ont tenu. Et même en Égypte, c'est les syndicats des industries textiles qui ont déclenché les choses. Et il faut le répéter, le rabâcher, arrêter de penser que ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des lieux d'expression, à la rigueur de mobilisation marginale de la bourgeoisie en Égypte. Mais par ailleurs, les structures même du pouvoir en Égypte permettaient, moi j'ai fait des terrains là-bas, de dire relativement longtemps avant, ce qui allait assez probablement se passer en cas d'arrivée d'un pouvoir qui soit à la fois islamiste et ultra-libéral. Un peu sur le modèle de l'AKP, par ailleurs. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, sur la masse. Alors, moi, la masse, pourquoi pas ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas tendance à tellement prêter attention à la masse dans les manifestations, mais, en revanche, moi, ce que je trouve génial ici, c'est l'espace-temps. C'est le fait de commencer par réinventer un espace-temps. Et je dis bien réinventer. Parce que la place publique, qu'est-ce que c'est que l'histoire, par exemple, de la démocratie en France ? Ça commence au Palais Royal. Parce que c'est à la fois un bordel, un endroit où il y a des magasins, un endroit où il y a des petits théâtres qui deviennent plus tard des petits cinémas. Bref, un lieu, en fait, un lieu public, une place dans lequel, effectivement, les discours révolutionnaires commencent à circuler, à parler, à monter comme ça. Bon, ça peut être une place avec des milliers de personnes comme ici, ça peut être à Saint-Amand-en-Puisaye, un petit coin à côté de l'épicerie communautaire, où dans le fond on se rassemble et on cause et on sort devant la télé. Et ça fonctionne très bien. La singularité, il me semble, parce que les manifestations en France, c'est un mode de régulation des conflits traditionnels, parfaitement établi. La singularité de Nuit debout, c'est cette invention de l'espace-temps, ça c'est une chose. Ce que le sociologue peut apporter, c'est un lieu de fréquentation. Et c'est un lieu qui rappelle un truc absolu, c'est qu'il n'y a de culture qu'à l'échelle de la fréquentation. On va la remodifier, on va la réinterpréter. Même sous une dictature, même dans un totalitarisme où on essaye d'imposer, les choses seront réinterprétées parce qu'une culture, c'est quelque chose qu'on interprète. Ça, là, on le fait vivre, on le rend visible. Et ce faisant, c'est une opportunité de dire il y a des droits qui ne peuvent être revendiqués, négociés, reconstruits qu'à l'échelle de la fréquentation. Voilà. Et jusqu'où on prend ? C'est ça qui se joue, je pense. Jusqu'à quel niveau de la dignité humaine on négocie. Voilà. Je vous le répète, n'hésitez pas à venir vous asseoir, vous coller, tout ça, c'est super. Oui, bonjour, je suis passée à Paris. Je suis aussi retraitée cet hiver. Vous m'entendez pas là ? Pardon, je suis pas habituée. Comme ça ? Un peu plus haut. Comme ça, c'est mieux. Faut que je me colle dessus. Voilà, je suis aussi retraitée SNCF, c'est une coïncidence, mais en tout cas, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pascal, et non seulement y revenir, mais j'aurais aimé y rester. Parce que, franchement, là, je vous écoute. Vous êtes brillant intellectuellement. Je voudrais savoir si les gens qui sont ici ont davantage compris ce qu'a dit Pascal ou ce que vous avez dit. Donc, les gens qui ont compris Pascal, est-ce que vous voulez bien lever la main ? Est-ce que ça vous parle ? Bien. Les gens qui ont compris ce que vous avez dit, je ne sais pas votre prénom. Alexandre. Alexandre. Vous pouvez lever la main ? Ok, très bien. Donc, c'est ou à peu près pareil, etc. Bon. En tout cas, moi, j'ai le sentiment, j'ai 60 ans depuis 2 jours. Le monde est en train de changer. Il est temps de vous réveiller et d'ouvrir votre conscience. Parce que la conscience est... Je ne sais pas. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde est endormi. Et que certainement, c'est voulu. Et que on endort tout le monde de façon à ce qu'il ait peur. À de ceci, de cela. Personne n'ose plus avancer. N'ose plus bouger. Et je suis d'accord avec Pascal, il est grand temps, et utilisons Internet, avec le nombre que nous sommes, si nos consciences se réveillent, elles sont pas, elles, c'est pas que vous êtes abrutis, c'est qu'elles soient, elle est là, mais je sais pas si vous êtes tous endormis. D'accord, je reviens de Bruxelles là. Si vous saviez le nombre de gens qui sont perdus dans la rue, qui sont désœuvrés, qui n'ont plus à manger, je fais pas du. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut se réveiller. Quand vous allez dans les magasins et qu'on vous donne, on ne vous donne plus l'argent pour vous rendre, hein, que vous payez un pain, 4 euros, un pain, parce que c'est soi-disant du vrai pain, c'est du faux pain aussi, du plastique, je sais pas, hein, et qu'on vous dit, l'argent, vous le prenez là dans la machine, c'est pas moi qui vous le rend. Je dis, madame, vous savez que vous perdez votre travail là. Ah, mais non, c'est une question d'hygiène. Je dis, elle est abrutie, la pauvre petite. Elle est abrutie, il faut changer ça. Il faut que ça bouge. Et moi, franchement, je suis très, très triste de ça. Nous avons Internet. Tous les peuples sont en souffrance. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Là, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger. Ils travaillent, ils sont debout toute la journée et ils n'ont pas à manger. Donc, c'est pas compliqué. Demain, on va se taper dessus pour manger. D'accord? Donc, il faut éviter ça. Et nous pouvons éviter ça parce que le pouvoir, il est entre une minorité dans le monde qui nous manipulent comme ils veulent, et nous, les abrutis, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus intellectualiser, on va ne pas faire la même chose qu'eux, et nous endormir avec des beaux discours. Maintenant, c'est action, réaction, et on y va, on est tous dans la même panade, là. Et vous allez y aller encore plus fort que nous. J'ai 4 enfants, j'ai un petit enfant, et j'ai vraiment, je suis très triste de voir ce que je vois. Très, très triste. Alors, utilisons Internet, je m'y suis mis pour cette raison-là, parce que bordel, j'ai envie que tout le monde se réveille partout. Je suis désolée, jamais j'ai parlé comme ça. Mais là, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Et c'est la conscience qu'il faut réveiller. On est endormi, bordel. C'est pas compliqué. On va tous se taper dessus. C'est ça qu'ils veulent. Diviser pour mieux régner. Eh ben, c'est bien en voie. Il va falloir se réveiller. Alors, excusez-moi. Ça serait intéressant que vous restiez pour écouter la réponse. Je resterai bien d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et non, mais parce que c'est Florence. Alors, figure, je ne sais pas très bien pourquoi vous avez l'impression de parler contre moi. Pas contre moi. D'abord, moi, attendez 2 secondes. Voilà. Moi, par exemple, j'ai aussi bossé avec des gens très très pauvres. J'ai fait des terrains avec des Roms à Montreuil, tout ça. Ouais, tintin, comme vous dites. La grande misère, je la connais, je travaille dessus sans arrêt. Bon, et par ailleurs, si vous avez un problème avec l'intellectualité, l'intellectualisme ou je ne sais pas quoi, je trouve que par exemple, mettons, entre 1936, imaginons, et 1968, les militants n'avaient pas Internet, hein, ils se formaient, ils causaient, il y avait beaucoup d'éducation populaire, et il y a eu beaucoup plus d'avancées sociales qu'avec Facebook. Hein, bon, alors ensuite. Par ailleurs, moi j'ai fait ça très concrètement comme militant du parti de gauche en allant faire des formations et j'avais une drôle d'expérience avec les vieux ouvriers ou avec les vieux cheminots. C'est qu'ils en savaient plus que moi sur le matérialisme historique. C'est-à-dire que là pour le coup, quand vous dites nous les abrutis, oui, nous ceux qui ne militons plus depuis des siècles ou des décennies, c'est ça la vérité. C'est qu'en haïssant l'intelligence, ben, évidemment on se rend incapable d'agir. Qu'est-ce que c'est, dire, entre votre discours et un discours complotiste qui consiste exactement à devenir impuissant, il n'y a qu'un petit pas. Il faut savoir contre qui lutter et on sait comment le faire. Et alors effectivement, c'est le rôle des gens qui sont payés pour penser par la collectivité de venir et de rendre des comptes au sens commun et de dire ben regardez, tiens, là c'est ça qui se joue. Hein? Et si vous nous demandez de penser ça, ben tiens, on va s'y mettre parce qu'on est payé par ça, par vous, pour ça. Par voilà. Quoique moi, à l'université, à vrai dire, je fais des heures en fait gratuites et je perds du fric à y aller parce que par engagement. Hein? Bon, voilà. Parce que en tant que vacataire, je perds du fric à faire ça. Voilà. Mais sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Et vous inquiétez pas, on ira. Si vous voulez continuer ce débat entre vous, vous pouvez le faire après. et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Oui, alors c'est très bien de proposer des idées neuves. J'étais dans le mouvement de intermondialisme et depuis 15 ans j'ai entendu des idées neuves, et ils étaient incapables d'avoir des théories neuves. Alors je le constate que inviter en permanence les gens pour les idées neuves, c'est des commerces. C'est-à-dire que c'est des commerces comme les entreprises, c'est la mode qu'ils présentent chaque année avec un peu de changement. Alors il dit que voilà, vous allez changer votre voiture parce que c'est, maintenant c'est, il y a une partie qui est neuve, c'est tout à fait différent. Alors voilà, vous cherchez l'équilibre aussi. Voilà, c'est-à-dire l'université aussi, énormément de l'université, les profs de l'université, ils cherchent des clients, c'est clientélisme. Alors sinon, il fallait qu'il arrête le travail. Alors il doit produire ça, tout le temps, de dire que voilà, chercher des idées neuves. Mais sur quoi les idées neuves, il faut le préciser. C'est-à-dire quel manque qui existe. Alors quand vous parlez sur la question de combat, alors Marx, il dit que toutes les luttes de classe, tout d'abord, c'est une lutte politique, c'est-à-dire contre l'État. Parce qu'avant, les combattants, les militants, ils ne savaient pas, ils se trompaient. Alors, ils se trompaient l'objectif. C'était la question, et plus tard, Lénine aussi. Ils ont précisé que toute la lutte de classe, ce n'est pas une lutte économique d'abord, ce n'est pas une lutte culturelle. C'est une lutte politique contre l'État, pour renverser le pouvoir dans un rapport de force. Ça, c'est un objectif précis. Alors, c'est évidemment, tout change et on a besoin des théories, mais vous n'en parlez pas aussi. Bon, encore Lénine, il dit que sans théorie révolutionnaire, il n'y aura pas aucune révolution. Alors, on a besoin d'une théorie révolutionnaire, mais il faut avoir le courage de le présenter, pas seulement de vous rester dans une neutralité, c'est-à-dire que vous êtes neutre, vous nous invitez pour le débat, tout ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez sur ce que nous proposez? Alors proposez clairement vos idées pour que vous soyez critiqués. D'accord. Engagement. Alors, décidément, c'est dur d'être, même bénévolement à l'université, on se fait drôlement attaquer. Moi d'abord je ne vends rien. Et mes cours, je les distribue ensuite gratuitement sur internet, je les filme et je les mets là pour que les gens y fassent ce qu'ils veulent. Et j'écris pas de bouquins pour les vendre, si ça vous rassure, je vous dis, je ne suis pas intéressé par le fric, c'est pas mon affaire. Bon, en tout cas pas avec la pensée. Parce que sinon il faut bouffer aussi, mais pour ça je travaille ailleurs, dans une association. Par ailleurs, vous dites, il y a des idées, il n'y a pas de théorie, je ne vois pas très très bien la différence que vous faites entre les deux. Seulement, vous me dites, dans le fond, il faut être dans une lutte contre l'État. Bon, là, je vais être très vilain et je vais vous dire, relisez Marx, relisez Lénine. Vraiment, je vais vous dire pourquoi. C'est bien, d'ailleurs, ça, c'est des choses qu'il faut lire régulièrement. La théorie du matérialisme historique, c'est justement que c'est l'économie qui fait le politique, c'est l'agencement du travail qui fait la culture. C'est la façon dont on organise le travail qui fait l'histoire. Oui, je ne vous l'apprends pas, vous le savez très bien. Par conséquent, c'est pas justement quand on est un marxiste qu'on considère qu'il y a le grand soir. C'est pas du tout là, c'est exactement le contraire. On sait qu'une révolution, ça peut prendre 200 ans, et qu'une révolution, c'est une transformation du mode de production et du rapport de classe qu'il y a dans ce rapport de production. Je suis désolé que vous avez parlé de marxisme, je fais du marxisme pur et dur. Bon. Ensuite, vous me dites, positionnez-vous. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, on fait un meeting politique et pas un moment d'éducation populaire. Allons-y, pourquoi pas. Voilà. Alors, moi, je suis par exemple pour que demain, on commence par se débarrasser de l'Union Européenne. Totalement. Voilà. Je suis pour ça. Voilà. Non, mais c'est comme vous voulez. Mais moi, le principe d'administration des choses, c'est insupportable. Et vous me demandez d'être précis. Voilà. Ensuite, toute professionnalisation de la politique, je pense que c'est une horreur. Voilà. Et qu'il faut réinventer des formes pour aller vers là. Et c'est là qu'on va tomber sur quoi ? Sur le droit des gens, c'est-à-dire où est-ce qu'on produit le droit et comment est-ce qu'on construit une culture politique qui permet d'accueillir ça. En d'autres termes, comment on permet à tout le monde d'aimer suffisamment la règle avant de devoir essayer de l'imposer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà les pavés. Alors, un sport de combat. Moi, j'ai pas lu Marx. J'ai lu De Bon et Van Eygem avant, à l'âge de 14 ans. mais je suis arrivé en France en 67 et donc 68 j'avais 11 ans, donc j'ai pas participé et j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que micro. On peut avoir conscience sans la lutte des classes. Moi j'ai commencé par les droits de l'homme et je pense que ça vaut le coup encore aujourd'hui. Et les droits de l'homme sans avoir de définition, de quelconque déclaration, simplement être humain entre les gens. Et ce que... Alors, le dernier mouvement dans lequel j'ai participé, parce que j'ai beaucoup, moi, ni été universitaire, ni rien du tout, j'ai milité dans divers trucs, dont le dernier, c'était les indignés en 2011. Et on avait occupé, entre autres, la défense pour... symboliquement pointer le monde de la finance. J'avais aussi lancé le 22 mai de cette même année-là un truc pour une constituante, etc. En gros, ce qu'on veut, et je pense que c'est le cas toujours aujourd'hui, c'est changer le système. Et quand... Enfin, on sait que l'économie et les structures d'État, au travers de la législation, des lobbies, des infrastructures, sont intimement liés. D'accord. Donc quand on dit changer le système, c'est les deux. Et ça va à partir du comportement. Parce que par exemple, en ce moment ici, on discute beaucoup du système de démocratie. Et on propose en alternative au système représentatif actuel, un système représentatif mais tiré au sort. Et c'est toujours un système représentatif qui se terminera dans une chambre de 577 personnes. Donc pour moi, ça ne change rien. Surtout si ce sont des vieilles idées. Hein. Les deux idées viennent soit de Rome, soit de la Grèce. Et ça fait bien longtemps. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir Internet. On peut faire une démocratie, une écriture de texte à des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et on prenait, nous, donc, et on prend toujours une démocratie directe. À partir de ce moment-là, les structures d'État sont moins nécessaires. Le mode d'échange entre les gens peut changer. Ce qu'on fait régulièrement ici, c'est de l'économie du don, qui n'est pas une économie d'échange sur la place de la République depuis 2013. Et puis d'autres endroits de Paris, on fait des gratiférias. Évidemment, ce ne sont pas des maisons. Il y a des gens, par exemple, dès le Larzac, ont construit pour d'autres des maisons, la Bertière, tout ça. C'est la solidarité. Et pour des gens qui n'étaient pas marxistes, ils ont compris un truc. C'est les gens, c'est les Polonais de Solidarność. Et je crois que c'est la première étape ici à passer en France. C'est il n'y a pas de liberté sans solidarité. Il faut bien comprendre ce truc-là. Quoi. C'est la première étape. Voilà. Puis après, on rencontrera la suite. Il reste 20 minutes de débat. Du coup, si vous voulez poser des questions, réagir de manière ou d'une autre, n'hésitez pas à le faire savoir. Il y a le téléphone qui appelle. Il y a un philosophe polonais qui s'appelle Zygmunt Bauman qui dit: quand on allume le téléphone, on éteint la rue. Et j'aime bien cette idée parce que ça fait ressortir ce que c'était qu'une rue avant, c'est-à-dire aussi un réseau de solidarité, et on vient de nous rappeler que sans solidarité, il n'y a pas de liberté, etc. Bon. Moi, j'ai juste un tout petit commentaire à faire par rapport à ce qui a été dit. Monsieur dit, voilà ce qui lui tient à cœur. Moi, je ne suis pas pour qu'on revienne aux catégories marxistes, c'est pas ça la question. En revanche, quand on abandonne le vocabulaire de la lutte des classes et le type de rapport de force qui lui était inhérent, il faut simplement avoir conscience de ce qu'on est en train d'abandonner et adapter le discours, adapter la prise en charge des choses qu'on est en train de faire, par exemple en disant, on va combattre pour le droit du travail dans tel cadre et dans tel autre, on va inventer autre chose. Voilà. Le grand soir de la Révolution, Marx, dans un discours en Hollande, Pays-Bas, pour les ouvriers en 1871, il a dit: dans un pays démocratique, on n'a pas besoin de révolution, dictature, de prolétariat, on peut passer pour prendre le pouvoir avec suffrage universel. Alors, comme nous sommes dans l'époque de l'Internet, vous le tapez, le voilà, discours de Marx en Pays-Bas, 1891, vous allez voir qu'il parle de suffrage universel. Alors, c'est pas vrai, c'est-à-dire, ça c'est caricaturisé de révolutionnaires de pays. Voilà, il attend le grand soir de la révolution. C'est pas vrai ça, c'est-à-dire les grands soirs de la révolution. Dans certains pays, c'était vrai, comme la révolution d'octobre qui a bouleversé le monde. Oui, alors c'est ça. Et, le mode de production, lui, a mis énormément de temps à récupérer. Et effectivement, ça s'est déroulé dans un pays américain. La révolution française, dans les années 40, commence à en récalquer, parce que c'est une transformation totale de l'industrie. Oui. Ah, d'accord. Alors, on va partager la parole, j'ai assez parlé. Oui. Alors, c'est-à-dire, même sur le matérialisme historique, c'est pas la définition de Marx, il a jamais utilisé ce terme, c'est-à-dire, c'est matérialisme pratique, qu'il a parlé dans l'idéologie allemande. C'est plus tard qu'ils ont utilisé matérialisme dialectique et historique. C'est après la mort de Marx, c'est les autres qui ont fait ça. C'était d'abord un ouvrier allemand qui l'a écrit un pamphlet sur le matérialisme dialectique et historique, et après c'était Engels qui l'a prouvé, Blair annonce tout ça, qui vont utiliser ce terme. Alors, vous voyez, d'une côté, on a besoin de la théorie. Si vous parlez de la théorie, il faut le maîtriser vraiment. C'est-à-dire, parce que les idées révolutionnaires, la construction, il faut qu'elles soient tout à fait claires. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire ? Bonjour à tous. Ici en France, la France elle a une chance, elle a des chances. Et ces chances peuvent être un inconvénient. Pourquoi ? La France accueille un peu tout le monde, qui viennent des quatre coins du monde. Alors, il y a possibilité, si ce mouvement encore se développe avec des idées bien précises, il a à sa porte des gens différents qui ont vécu une douloureuse expérience à l'extérieur de la France et qui sont ici. Alors, moi je vous entends débattre de Marx, de ceci, mais la question est, moi je pose une question, est-ce que, en fonction de ce que l'Europe, les pays dits développés, vivent depuis un certain nombre d'années, qui arrive finalement, on arrive à une sorte de d'échec. Non, en fait, Yann, il a l'échec, c'est quoi jours, c'est aujourd'hui, on pense qu'on le veuille ou non, la majorité, on est quand même des nantis. Par rapport à des pays, par rapport à des millions d'individus, de femmes, d'enfants, qui meurent, ils n'ont aucune autre possibilité, et qui traversent la mer des milliers de kilomètres en sachant qu'ils ont une chance sur 10 000 de pouvoir y arriver. Or, la question qui me semble fondamentale. Oui, merci madame, excusez-moi. Alors, la question est, si on retombe dans quelque chose de philosophique sur le marxisme, sur ceci, cela, je crois que les peuples sont relativement mûrs pour voir tout à fait autre chose de nouveau. Il faut se projeter sur quelque chose fondamentalement nouveau pour que le maximum de gens adhèrent. Je donne un exemple. Il y a eu un douloureux problème algérien, il y a à peine 50 ans. Il y a eu 17 octobre 61, ici, où on a massacré par milliers des Algériens. Le seul tort qu'ils ont eu, c'est de traverser le périphérique pour venir à Paris faire une manifestation tout à fait pacifique. Et ça, on ne l'a pas accepté. C'est pas le problème, je pourrais vous... Mais non, vous dites... Non, excusez-moi. Ah mais excusez-moi, c'est des questions. Vous m'interpellez comme ça, je ne pense pas que la révolution algérienne a quelque chose à faire dans ce débat. La révolution algérienne, je vous fais remarquer, monsieur, à une époque, l'Algérie était la mecque des mouvements, de tous les mouvements révolutionnaires. Mandela, tous les grands, ils ont été en Algérie. Alors ne me dites pas, quand on parle des pays développés, ils ont une grande responsabilité de ce que l'Algérie aurait pu être un exemple. d'abord entre la France et l'Algérie est un exemple mondial. L'Algérie n'a jamais été aidée, monsieur. Hein, l'Algérie n'a jamais été aidée. Vous me provoquez comme ça, et revoyez votre... Vivez une réalité et après vous dites... Simplement, je ne veux pas rentrer dans ce débat, simplement voilà une réflexion. Ce n'est pas du tout un reproche. Le mouvement, il est bien, il attire loin, mais la question de monsieur Lambda, un citoyen, c'est vrai, dire, il faut qu'il voit clairement à quoi on prétend à se réunir à cette nuit debout à Paris. Parce que la majorité des gens n'ont pas une vision claire. Je reconnais que le problème n'est pas évident, c'est pas un mince problème, mais je crois qu'il faut qu'on aille travailler là-dessus. Voilà, je vous remercie. Qui souhaite réagir? Ouais. Je prends un vol. J'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit avec beaucoup de circonspection et beaucoup de sagesse par monsieur. Je ne vais pas entrer en polémique, mais simplement il y a un monsieur qui réagissait en disant ben voilà, oui, et qu'avez-vous fait de votre démocratie? Voilà, mais la démocratie, enfin bon, vous n'avez pas dit ça du tout, d'accord, mais vous avez utilisé. Voilà. Après, vous prendrez la parole. Voilà. Après, vous demandez la parole, vous l'aurez. Voilà. Le mot démocratie, oh là là, mais on tend tous vers, mais ça veut pas dire qu'on l'ait atteinte. On n'a pas atteint le niveau de la démocratie. La démocratie, je sais pas, tout le monde sait, on l'a tous vu, que c'est un mot grec né à Athènes et que à Athènes, ben oui, il y avait une agora, les gens discutaient beaucoup comme ce qu'on fait là aujourd'hui, et ensuite, juste à côté, il y avait une espèce d'amphithéâtre pour aller voter, pour aller décider. Mais il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes à Athènes. Et il y avait des esclaves, absolument. Pas trop le dessus. Là maintenant, tout le monde est esclave. On ne sait même plus de... Certains n'en sont pas conscients, mais on commence à quand même l'être. Mais à essayer de donner des leçons à ceux qui anciennement ont été colonisés et qui s'en sont sortis et qui sont en train de retrouver leur dignité magnifiquement, franchement, on est super mal placé, quoi. Alors, bon, essayons au contraire de reconnaître, de tout mettre à plat ensemble. Tout mettre à plat ensemble. Et à commencer par les mots. Démocratie, projet, violence, qu'est-ce que c'est, l'enfance, l'être humain. Voyons, aidez-moi, il y a plein d'autres mots importants, quoi. Humain, homme, ça revient. Femme, égalité, parité, rationalité, parce qu'il paraît que c'est l'une des règles ici qu'on voudrait... Moi, je me méfie, hein, rationalité. Moi, j'ai pas la même rationalité avec mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Hein. Moi aussi, je fais de la politique avec moi-même dans mon corps. Mon cerveau, il est comme ça. Hein. Voilà, je suis dans l'émotionnel, mais je sais aussi être dans le contrôle très, très, très bien. Voilà. Il reste à peu près 5 minutes de débat. Voilà. Enfin, moi, j'interviens, j'arrive et puis bon, j'entends des choses et je ne sais pas si c'était le centre de toute la discussion là. Mais tout à l'heure, ce monsieur faisait référence à Martin. Mars, de toute façon, il a dit aucune classe. Aucune classe. C'est bon là, comme ça. C'est bon. Aucune classe sociale n'abandonne sa position sociale sans avoir recours à toutes les armes qu'elle a. Alors. Pour parler du peuple français, le peuple français, c'est un des peuples les plus politisés au monde. Il faut regarder le peuple français dans toute sa tradition de lutte, de la Révolution française, 1848, la Commune de Paris, 36, 68, pour, c'est un événement dont peu de gens parlent. Parce que moi, je vois, y a beaucoup de discussions sur la grève générale. Et comme je dis, après la grève générale, qu'est-ce qu'on fait? 68, ça a été un mouvement où tout était occupé. les usines, les ministères, les hôpitaux, et même à un moment il y a eu une grande manifestation pour aller occuper les médias. Et qui s'est opposé à l'occupation des médias? Malheureusement, ça a été le PC. Alors, je dis que et il faut voir que par rapport à ce pouvoir que le peuple français avait et qu'il fallait organiser ce qu'on appelait le double pouvoir, entre-temps, vous avez eu monsieur le général de Gaulle, il est allé se réconcilier. Parce que quand on regarde l'histoire, il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État des militaires en 1962 en Algérie. Et donc, suite à ça, de Gaulle s'était un peu coupé de tous les généraux. Et il est allé à Baden-Baden. Si des gens ici, des anciens, le savent, il peut le dire. Regardez, il y a des gens qui... Il est allé à Baden-Baden, se réconcilier avec l'armée, et les espiés veulent, parce que beaucoup de l'armée française était à Baden-Baden. Il a essayé de faire venir l'armée, mais l'armée, elle ne pouvait pas arriver, parce qu'il fallait qu'elle arrive par les trains. Les chars, il fallait qu'elle arrive par là, et c'est pas arrivé. Alors, la grève générale révolutionnaire, elle a un peu périclité parce qu'elle n'avait pas une direction politique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a un mouvement. La France, en ce moment, c'est comme une cocotte minute. Mais avons-nous une direction politique à suivre? Non. C'est ça qu'il faut construire. Avec vous, bien sûr, avec tout ce que vous posez. Voilà ce que je voulais dire. La conclusion, oui. Ah, déjà? Bon, d'accord, alors pour conclure, allez-y. Merci de toutes ces interventions très intéressantes. Je voudrais le commenter de quelques manières. D'abord, effectivement, c'est important de connaître l'histoire. Le plus on la connaît, le mieux on est. Vraiment, c'est une banalité. Et il y a quelque chose qui m'a donné un petit peu d'espoir. En même temps, ça m'a fait un peu flipper, mais en même temps, vous allez voir. Quand ça a commencé, ce mouvement-là, non pas Nuit Debout, mais la lutte contre la loi El Khomri, dans la fac Tolbiac, on est venu me voir et on m'a dit est-ce que vous voudriez pas participer au mouvement puis venir faire des inters parce qu'on sait que pendant le CPE vous en étiez. Bon, alors je vous dis un truc, ça m'a fait un peu flic quoi, hein. On sait que vous ça. Bon, effectivement j'étais assez impliqué pendant le CPE, notamment dans les occupations de normal sup de la HESS et tout ça, bref, peu importe, puis les trucs aussi, mais t'es engagé là. Mais moi, cette histoire-là dans ma vie, c'était il y a 10 ans. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là. C'est loin. Eh ben, c'est beaucoup moins loin que 1968. Mais cette mémoire-là, elle existe. Elle existe et elle existe quand vous demandez Baden-Baden, les gens savent. Et il faut travailler là-dessus. Il faut en parler. Même quitte à avoir l'air de vieux con, je m'inclus là-dedans. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Le deuxième truc, c'est que j'ai commencé par vous dire voilà, il y a un pouvoir sur un territoire. On va parler de la Nuit Debout en tant que pouvoir et on va parler de la notion de territoire. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la notion de frontière. Alors il y a une frontière à la place, d'une certaine manière, hein, mais en même temps il n'y en a pas. Ce qui est très particulier ici, c'est que n'importe qui peut venir n'importe quand. Même Finkielkraut, il peut venir. Il peut repartir aussi, mais il peut partir, il peut venir. Et je veux dire par là que... Et n'importe qui soit chilien, algérien, parce qu'on en était sur les luttes, de Saint-Amand-en-Puisaye, dont je vous parlais tout à l'heure, de n'importe où, on peut venir et ressortir. Ça, c'est quelque chose dont il faudrait parler. Le travail sans frontières. Et quelle est la frontière? Est-ce qu'il n'y a pas une frontière? Et s'il y a une frontière, c'est laquelle? Vous voulez la parole? Change de place. Alors je m'appelle Adam. Juste pour répondre à sa notion de frontière. Alors la frontière physique, ouais, la frontière physique n'existe pas. C'est vrai, c'est une rue, on la traverse, on rentre, etc. Mais enfin, je persiste à croire qu'il y a une frontière morale qui est là. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je suis touché dans ma dignité, donc ça fait 4 jours qu'on parle de Finkielkraut, qu'il y a des débats qui s'organisent, etc. Pareil, hier en réunion intercom à la Bourse du Travail, on en a parlé longuement de la liberté d'expression parce que c'est une frontière. On en a parlé pendant très longtemps. Et donc, moi, ma frontière, c'est ma dignité à moi. D'accord ? Donc à partir du moment où un être, quel qu'il soit, porte atteinte à ma dignité... La frontière est franchie. Donc ce qu'a fait ce philosophe, c'est exactement ça. Le mec, ça fait 35 ans qu'il nous insulte, qu'il insulte mes potes, qu'il insulte mon daron, qu'il insulte ma mère, qu'il insulte mes cousins. qu'on le veuille ou non, c'est un peu une réalité. Moi, je me sens réellement gêné quand je l'entends parler, ce type-là. Donc, est-ce que je suis capable de le regarder dans les yeux et d'avoir une discussion avec lui? Franchement, je te le dis clairement, non. Mais est-ce que la frontière morale, c'est pas une religion? Non, parce que c'est avant pas je croyais en Dieu, je te le dis clairement, avant je croyais en Dieu, tu vois, j'étais persuadé que Dieu existait, maintenant je crois en une énergie, tu vois, je crois plus en un être, donc non, c'est pas une religion, c'est peut-être de la spiritualité si tu veux mettre un autre terme, d'accord, mais c'est pas un dogme, d'accord, donc moi à partir du moment où tu me regardes droit dans les yeux en me disant le problème en France, c'est les musulmans, et ceci, et cela, ouais, qu'est-ce que t'as à faire sur la personne, on partage pas les mêmes valeurs, et on n'a pas le même respect, on n'a pas le même respect des gens, et je pense que la vie de personnes qui passent sur cette place et qui posent leurs fesses, ne serait-ce 10 minutes à l'âge pour écouter, partagent ces valeurs-là. Et ceux qui ne les partagent pas ne viennent pas et on ne les oblige pas à venir non plus. Ça dérive, ouais. Il y a quand même une frontière qui est quand même la frontière morale. Ouais. Sans parler de religion, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais c'est fini. Ça peut partir. Moi, je suis citoyen largement. Ouais. Non, c'est pas un problème. Attends, c'est moi, je réponds juste à ce qu'il dit. Non, c'est pas un problème parce que. C'est pas un problème parce que. Je te réponds. Merci. D'accord, on peut se regarder quand on discute, y'a pas de soucis. Tu m'appelles Michel Camille, y'a pas de problème. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est. En tant que citoyen. Je me dois, moi, musulman, pas musulman, athée, pas athée, on en a rien à foutre, de dire à un mec qui agresse un autre mec, stop. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait avec ce mec-là quand il s'est ramené, stop. Ok, cool. Bah, merci beaucoup Alexandre, en tout cas, avec un débat assez riche. On va vous faire passer une petite caisse pour nous, le groupe éducation. Le débat, il est fini, en fait, là. Là en fait il y a une autre intervention qui va venir après. Mais le débat peut continuer entre vous, c'est ça que je veux dire. Mais va le trouver celui qui tu veux dire l'opposition radicale. Désolé. Même chose pour vous. Oui, bonjour à tous. Je voudrais juste revenir sur ce que la personne a dit derrière. Monsieur ne s'appelle pas Michel. Moi, je fais partie d'une association contre l'islamophobie et contre le racisme du 20e arrondissement. Ça fait un an qu'on existe. Et puis dans notre association, il y a des Michel, il n'y a pas de Michel, il y a des Moustapha, il y a des Nora, voilà, il y a des Karen, il y a des Bertrand, tout ça. Donc monsieur derrière pensait que monsieur prêchait pour sa paroisse. Nous on prêche pour les bonnes volontés et les gens justes, quoi. Voilà, c'est tout. Au-delà de l'apparence, au-delà de leur religion, au-delà, on s'en fout, quoi, je veux dire, c'est le cœur qui nous relie. Voilà. Thank you.